い、そう、ありがとうございます。 Qui sont les deux éléments encore. Thank you. À mon avis, c'est comme Jenda, il entend des voix, je sais pas où il a entendu que les... Cet après-midi. Donc on peut faire un point. On est un chemin. Radio. Se chute, hein. Principalement à des prises de bénéfices parmi les valeurs en... La tête pour pas qu'il vous effraye. La radio. Thank you. veux, doudou? C'est vrai que je suis en train de toucher. Beast Boys. Spéciale dédicace à tous les gars de la terre. Big Down. Fait d'actualité, Jean-François Gresset. Blocage et perturbation ce matin dans les usines françaises d'Airbus. L'intersyndicale appelait à la grève pour dénoncer la cession de plusieurs sites Airbus à des partenaires privés. Autre mouvement social, les syndicats d'ICTS, la principale entreprise de sécurité de Roissy, appel à la grève aujourd'hui pour les salaires. Des retards sont à prévoir sur certains terminaux de l'aéroport. Opération anti-drogue hier soir dans une cité de Sevran, en Seine-Saint-Denis. D'importants moyens avaient été déployés. 350 policiers ont bouclé le quartier. Bilan, 4 interpellations. 2 kilos de cannabis. Une heure et demie pour rassurer et convaincre. Nicolas Sarkozy s'adressera aux Français ce soir à la télévision. Il le fera en direct depuis l'Elysée devant une équipe de 5 journalistes. Pas question de régularisation massive des salariés sans papier, mis au point de Brice Hortefeux ce matin. Ce sont des questions fondamentales qui... Ça a fêté des mégawatts, là. Virgin Radio. 11h05, bonne matinée, on joue. Qui tournait trop lentement, mais s'il est à l'arrêt, ça ne sert plus à rien. Jusqu'au 26 avril, on peut coller pour pleurer. Ça pue. I've never been there, sir. You told me all that. You told me all about it. Alors Dudou, qu'est-ce que tu veux Dudou? Tu veux écouter du son Dudou? Oh Muse! Alors Vénus, qu'est-ce qui se passe Dudou? Ah, un vieux computer, 2 euros. Ils volent bien en plus. Putain, Dudou, j'aime pas ça. J'aime pas le rangement forcé. Le rangement forcé. Ah. RTL2. RTL2. Vous êtes au cœur de plus de 30 minutes de son pop rock non-stop. RTL2. Ce n'est pas de la radio, c'est de la musique. Un jour j'irai à New York avec toi. Tout est tout à l'heure. Et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée. Percée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel déclaté. Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer. Voir leur cœur se vider et saigner. Dans le club il fait noir mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid.